La Bible, du début à la fin, décrit l'histoire de l'amour expiatoire de Dieu pour l'humanité déchue. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Plusieurs prétextes sont invoqués par les gens pour justifier leur rejet de la Bible. Par exemple, elle serait un recueil de vieux principes sans rapport avec notre société moderne évoluée. Mais aujourd'hui, Charles Stanley nous enseigne que les vérités bibliques sont tout aussi pertinentes maintenant qu'elles l'étaient lorsqu'elles ont été écrites. Si la Bible était humaine, elle serait tombée en désuétude depuis longtemps. Mais puisqu'elle est véritablement la parole de Dieu, elle survivra à toutes les doctrines humaines qui ont tenté de la ridiculiser. Nous trouvons dans les versets des Écritures des principes qui défient le passage du temps. Ils expliquent la nature de Dieu et son plan rédempteur pour l'éternité. Voici Charles Stanley. Il n'existe aucun livre plus important que la Bible. Rien ne peut lui être comparé. Rien de tel n'a jamais été écrit. Il n'existe rien qui puisse se comparer à la sagesse et au contenu de ce livre. La Bible est la parole écrite du Dieu vivant. Aucun autre livre ne lui ressemble. Dieu a dit au sujet de son livre, « L'herbe flétrit et la fleur perd de son éclat, mais la parole de Dieu reste à toujours. » Vous en avez probablement une copie et même plusieurs. Vous en détenez peut-être plusieurs versions, mais dans son essence, elle est la parole de Dieu. Elle est le manuel d'instruction pour l'humanité. Elle est le livre, le manuel du croyant, car dans ce livre, nous découvrons qui est Dieu, à quoi il ressemble et qui il est. Nous y découvrons comment nous devons vivre et comment nous devons mourir. Le monde ne peut rien proposer comme ce livre. Et Dieu nous l'a donné pour nous guider, nous diriger et nous protéger. Les hommes et les femmes de sagesse se délectent de ce livre et le méditent. Rien ne lui ressemble. Ouvrons donc notre Bible dans ce qu'on pourrait appeler le texte d'or, sur la parole de Dieu. Nous pouvons le trouver dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Nous en commencerons la lecture au verset 14. L'apôtre Paul écrit au jeune Timothée concernant les Écritures. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » En se basant sur ce qui vient d'être dit, voici les recommandations de Paul envers Timothée au chapitre 4, versets 1 à 5. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les gens négligent de lire la parole de Dieu pour probablement plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'ils ne la comprennent pas. Et beaucoup de gens disent « Je suis une bonne personne, je ne fais de mal à personne, je vais à l'église et il m'arrive de lire la Bible. » Mais pourtant, ils ne comprennent pas son message. Et d'autres gens ne la lisent pas et ne croient pas qu'ils passent à côté d'une chose importante. Ils mettent en doute son authenticité. Ils pensent qu'elle a été écrite par un groupe d'hommes qui ont réuni différents écrits et qu'il n'y a rien de particulier à ce livre. Il est rempli de mythes, de récits fictifs, peut-être légèrement teintés de vérité historique. Mais ce n'est certainement pas un livre contenant la révélation de Dieu. Voilà leur opinion. La raison pour laquelle ils ne croient pas en la véracité de la Bible est qu'ils n'en connaissent pas l'auteur. Mais quand on le connaît, ce livre prend une tout autre perspective. Je veux donc commencer ce message en parlant de la prééminence de l'auteur de ce livre. Par prééminence, je veux dire que rien ni personne ne peut se comparer à lui. Il existe bien des auteurs et écrivains de qualité dans le monde, mais aucun ne peut se mesurer à l'auteur de ce livre. Il est intéressant de constater que l'auteur de la parole de Dieu s'identifie dès le premier livre de la Bible. Au premier chapitre de la Genèse, au premier verset, nous pouvons lire « Au commencement ». Et quel est le prochain mot? Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset de la Bible. C'est-à-dire que l'auteur de ce livre est le créateur de cette terre. Et en plus, tout ce qui a été créé et existe vient de celui qui a écrit ce livre. C'est pourquoi il n'existe aucune contradiction entre Dieu et les Écritures et entre Dieu et la nature. Il n'existe aucune contradiction. Et ceux qui croient que tout l'univers a été créé à partir de rien ne lisent premièrement pas la parole de Dieu. Deuxièmement, ils ne connaissent pas le Créateur. En fait, les lois de la véritable science, comme la biogenèse et l'entropie, confirment plus le récit de la Bible que certaines fables pseudo-scientifiques. Du début à la fin, Dieu a décidé de répondre aux vrais besoins de l'humanité. Il a choisi ce que nous avions besoin de lire. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est d'entendre parler de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné ce qu'on appelle la parole vivante de Dieu, c'est-à-dire les Écritures. Et s'il y avait eu autre chose dont nous avions besoin et que nous aurions été incapables de connaître par nous-mêmes, Dieu nous l'aurait donné. Revenons à la Genèse, quand Dieu dit au commencement « Dieu ». Le mot hébreu du texte original est « Elohim ». Le mot « Dieu » est ici employé dans sa forme plurielle pour indiquer la plénitude de la puissance, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais il existe une autre raison. Toujours dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 26, nous pouvons lire « Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Puis Dieu dit « Faisons ». De qui est-il question ici avec cette forme plurielle? De Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Dieu nous a révélé sa vraie nature progressivement, mais ce n'est que dans le Nouveau Testament que nous pouvons comprendre la nature de la Trinité. Tournons maintenant dans Jean, chapitre 14, verset 26, et au chapitre 15, verset 26. Nous découvrons ici que Jésus, dans sa discussion avec les disciples, mentionne et introduit le concept de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'abord, au chapitre 14, verset 26, il nous parle du Saint-Esprit. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dieu le Saint-Esprit, que Dieu le Père envoie au nom de Dieu le Fils. Et chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, que je, Jésus, deuxième personne de la Trinité, vous enverrez de la part du Père, première personne de la Trinité. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous impliqués dans la révélation de sa parole. Ils font tous partie de la Trinité. Dieu est un et la divinité est constituée de trois personnes. Nous bénéficions de la parole écrite de Dieu dans la Bible. Nous avons également le privilège de connaître la parole vivante de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, venu sur terre pour nous révéler sous forme humaine la nature de Dieu. La prééminence de cet auteur sur tous les autres devient évidente en considérant ces choses. Il est le Seigneur de la création. Il est le Dieu de l'univers. Il est celui qui nous a donné ce livre. Considérons maintenant comment il nous a donné ce livre. Revenons au message de l'apôtre Paul adressé à Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile, pour plusieurs choses entre autres, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lorsque Paul dit que toutes les saintes Écritures sont inspirées par Dieu, il fait référence aux livres de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament, sous sa forme écrite, n'existait pas lorsque Paul a écrit cette lettre à son jeune disciple. Mais il existe des indices valides qui nous permettent de croire qu'en plus de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est également inspiré par Dieu. Nous disposons donc de la parole de Dieu inspirée, infaillible et sans erreur. C'est le message de Paul à Timothée. Nous n'avons pas affaire ici à un conglomérat d'histoires, de poésies, de récits donnés par Dieu et souillés par l'erreur humaine. Voyons comment Dieu nous a donné sa parole. Dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, on peut remarquer dans le premier chapitre aux versets 20 et 21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune parole donnée par Dieu, ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comment Dieu nous a-t-il donné ces Écritures? L'Esprit de Dieu est venu sur ces hommes qui avaient été choisis. Il a travaillé dans leur cœur et dans leur vie. Et il leur a donné des paroles de vérité. Il ne leur a pas simplement laissé des pensées éthérées qu'ils ont prises dans l'air, mais l'Esprit de Dieu a parlé à ces hommes et à travers ces hommes. On pourrait objecter qu'en comparant, par exemple, l'Évangile de Jean à une épître de Paul, on a la nette impression que les deux livres ont été écrits par deux auteurs différents. Et c'est tout à fait exact. On peut ressentir les personnalités des deux hommes, la sensibilité de Jean, la détermination de Paul, car les deux possédaient deux personnalités fort différentes. On le voit, Dieu n'a pas supprimé leur personnalité pour nous donner sa parole. Il a choisi ces hommes avec leur personnalité et leur passé distinct. Dieu, dans son infinie sagesse, les connaissait déjà avant de les choisir. Mais quand il les a appelés à lui, il leur a donné les paroles qu'il désirait que nous entendions pour pouvoir les appliquer à notre vie. Quand l'apôtre Paul a écrit, il a donc écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu a travaillé dans ces hommes en respectant leur personnalité et il nous a donné dans sa parole toutes les choses dont nous avons besoin. Avez-vous déjà fait face à un problème dans votre vie? Et lorsque vous cherchiez à comprendre la pensée de Dieu en persistant dans la lecture de sa parole, vous y trouviez exactement la solution. Qu'il s'agisse d'une conviction, d'un encouragement, de sagesse, de connaissance, de compréhension ou d'une décision à prendre sur n'importe quoi dans votre vie, tout est là dans sa parole. Dieu veut accomplir sa volonté dans votre vie. Et sa volonté est toujours la meilleure solution pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Rien ne manque à sa parole, car le Dieu infini, omniscient et omnipotent, qui détient le pouvoir sur toute chose, a décidé dans sa réserve infinie et incommensurable de connaissances de nous donner une certaine mesure de vérité, afin que nous vivions par elle, que nous soyons dirigés par elle et que nous soyons protégés par elle. Il pourrait nous avoir dit beaucoup d'autres choses, mais il a décidé qu'en cela suffisait. Nous recevons donc la mesure de sagesse et de révélation de Dieu qu'il a décidé de nous donner dans son infinie sagesse. Et s'il peut faire cela, ne peut-il pas préserver sa parole révélée de toute erreur? Quand on me dit « la Bible contient des erreurs », je demande toujours d'en voir une ou deux. Les gens aiment beaucoup parler de choses qui n'existent pas pour apaiser leur conscience troublée. Mais tout ce qui devrait se trouver dans la Bible s'y trouve. Nous devons maintenant nous demander en quoi la Bible est importante pour chacun de nous. Premièrement, l'homme ne peut pas découvrir Dieu par ses propres moyens. Personne n'a jamais découvert Dieu. Vous n'avez pas découvert Dieu. je n'ai pas découvert Dieu. Dieu s'est révélé librement à nous. Dieu a enlevé le voile qui nous empêchait de le voir. Nous ne l'avons pas découvert et nous ne l'avons pas trouvé. Si vous voulez voir ce qui arrive quand l'homme essaie de trouver Dieu par ses propres moyens, vous n'avez qu'à lire ces innombrables livres de philosophie humaine remplis d'idées absolument non fondées sur Dieu. Elles sont des déformations complètes de la vérité. Pourquoi? Parce que l'humanité pécheresse, enfermée dans sa finitude, essaie de formuler dans sa pensée un Dieu conforme à ses attentes, un Dieu suffisamment réduit à l'échelle humaine qui puisse être manipulé pour donner à ses adorateurs tout ce qu'ils pourraient désirer. C'est pourquoi aucun homme n'a jamais pu inventer un Dieu comme le Dieu de cet univers. Car le Dieu de cet univers est complètement différent des désirs charnels de l'humanité. Il nous demande et nous donne des choses totalement différentes des attentes du monde. Aussi, quand nous prenons connaissance de ce livre, il nous semble si étrange et infiniment inhabituel. Car voyez-vous, pour que l'homme puisse comprendre l'éternité, elle doit aider activement l'homme à la découvrir en se révélant elle-même. Et l'homme ne peut rien comprendre de vrai sur l'éternité en dehors de la parole de Dieu. Aucun autre livre ne ressemble à la Bible. Et si vous croyez en Dieu, si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous devriez passer du temps dans la parole de Dieu. Et vous devriez vous accorder du temps pour méditer la parole de Dieu et y réfléchir. Elle devrait faire partie de votre être, de votre pensée et de votre vie quotidienne. Et si nécessaire, vous devriez défendre la parole de Dieu. Vous n'avez pas à discuter ou à vous disputer à son propos. Vous devez simplement témoigner avec vérité de la parole de Dieu. Que devons-nous comprendre sur la révélation de Dieu? Simplement que Dieu s'est dévoilé à nous. C'est le sujet de ce livre, la Bible. Et si vous vouliez résumer tout le livre dans une phrase, vous pourriez l'exprimer de cette façon. La Bible décrit l'histoire de l'amour expiatoire de Dieu pour l'humanité déchue. Le sujet est le même, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans la Genèse, l'amour de Dieu s'exprime dans la création. La création est une révélation de l'amour de Dieu. Et l'Apocalypse est la somme, l'apogée et la culmination de l'expression de l'amour de Dieu au ciel. Et si quelqu'un vous demande ce qu'est la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, répondez-lui quel est le compte rendu du début à la fin de l'amour expiatoire de Dieu pour l'humanité déchue. Chaque verset, chaque mot de l'action ou de la pensée décrite dans ce livre cadre dans cette définition. La Bible est la définition progressive de Dieu et de son amour pour nous. Et puisque ce livre est unique en son genre, il devrait nous être précieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle au jeune Timothée en ces termes dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15. « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et si on se demande à quoi peut bien servir la Bible, premièrement, personne ne pourra atteindre Dieu sans les saintes Écritures. Car c'est par elle qu'il se révèle. Nous sommes rendus au point où nous pouvons réfléchir au but poursuivi par Dieu. Nous pourrions le décrire ainsi. Puisque l'homme ne pouvait pas arriver à le connaître sans son aide, Dieu s'est révélé à nous. Dieu, travaillant dans le cœur et la vie de nombreux hommes à travers les siècles, les a incités à écrire, sous la direction du Saint-Esprit, afin de révéler la vérité de sa parole. Et puisque la révélation de la parole de Dieu s'est faite progressivement dans le temps, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus bénis que les gens qui vivaient à l'époque de l'Ancien Testament, car ils ne disposaient que d'une partie de la révélation. Toutefois, avec la révélation du Nouveau Testament, nous découvrons qui est Jésus-Christ. Regardons la description de Jésus contenue dans l'Évangile de Jean au début de ce livre. Chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. et la parole était Dieu. Il ne parle pas ici de vieux manuscrits. Verset 2. Elle, c'est-à-dire la parole, était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qui est cette parole? Tout simplement Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans le monde? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible? Il ne nous l'a pas donnée pour que nous puissions avoir un compte-rendu d'histoire religieuse. Il ne nous l'a pas donnée pour que nous puissions avoir une vie confortable. Il ne nous l'a pas donnée pour que nous puissions être sauvés. Ce n'était pas là son but principal. Dieu nous a donné ses Écritures principalement parce qu'il voulait se révéler à nous. Il voulait nous dire qui il était, à quoi il ressemblait. Et Dieu sait que lorsque nous comprenons et commençons à cerner sa vraie nature, nous sommes attirés par lui, nous sommes attirés par son Fils. Nous confessons notre péché et nous nous en repentons. Nous nous donnons à lui, nous grandissons dans notre relation avec lui et nous entrons dans une relation d'intimité avec lui. Voilà le but ultime de la révélation de Dieu aux hommes. Le plus tragique, c'est que des personnes vivent leur vie sans jamais comprendre leur relation avec Dieu, sans jamais entrer en relation avec lui. Ils meurent sans Dieu et en ayant rejeté son Fils, Jésus-Christ. Ce genre de personnes ont complètement raté le but pour lequel elles avaient été créées. Elles ont raté la seule raison de vivre dans cette création. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions le comprendre. Et pour le comprendre et comprendre son Fils, Jésus-Christ, nous devons nous plonger dans sa parole. Hormis grâce à sa parole, comment pourrions-nous comprendre que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu? Comment pourrions-nous comprendre que Jésus-Christ puisse naître d'une vierge et être le Fils de Dieu sans péché? Comment pourrions-nous comprendre qu'il fallait qu'il soit sans péché et né d'une vierge pour que son sacrifice sur la croix soit valide? Comment pourrions-nous comprendre la puissance miraculeuse de la résurrection? Comment pourrions-nous comprendre que la résurrection de Jésus-Christ confirmait tout ce qu'il avait enseigné et qu'elle confirme également que nous aussi, nous aurons droit à une résurrection corporelle? Comment pourrions-nous comprendre qu'au jour du jugement, Dieu rassemblera toutes les cultures et les civilisations de cette terre, que le temps cessera, que le monde cessera? Comment pourrions-nous savoir que Jésus-Christ reviendra un jour et qu'il établira un royaume terrestre? Comment pourrions-nous savoir qu'il existe un ciel et un enfer? Comment pourrions-nous comprendre les choses éternelles sans la parole de Dieu? Nous ne pourrions comprendre toutes ces choses d'aucune autre façon. Nous n'avons qu'à regarder les autres religions. N'est-il pas vrai que toutes les autres religions du monde ne peuvent définir le salut qu'en fonction des actions des hommes, de leur propre force, puissance et de leurs propres moyens? Toutes les autres religions du monde, excepté la foi chrétienne, exigent, quelle que soit leur forme de salut, que l'homme performe d'une certaine manière pour être sauvé. Il doit accomplir certaines choses pendant un certain temps. Je dois vous poser cette question. En dehors de la parole de Dieu, comment pourriez-vous un jour comprendre la grâce de Dieu, le pardon des péchés et la purification des péchés? Comment comprendre que le fait de devenir une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le résultat de nos propres efforts? La grâce de Dieu, accordée aux hommes pécheurs disposés à demander le pardon du Dieu Tout-Puissant, est la seule à pouvoir accomplir cela. La Bible est le seul endroit où trouver la grâce de Dieu et la seule façon au monde de la trouver. La Bible est la seule façon de comprendre que l'homme n'est pas accepté par Dieu à cause de ses propres efforts, mais à cause des efforts du Christ mort pour nous sur la croix. Sans les Saintes Écritures, nous serions tous rejetés avec les autres religions du monde où les gens s'efforcent d'accomplir quelque chose, travaillent et se disciplinent eux-mêmes en essayant en vain de plaire à Dieu et de mériter sa faveur par leurs propres efforts. Nous pouvons faire confiance au témoignage des Écritures qui affirme que Jésus-Christ a accepté la croix du calvaire. Quand il est mort, il a entièrement payé la dette de notre péché. Nous avons seulement à mettre notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant dont le Fils est mort sur la croix et à croire que sa mort a pleinement payé la dette de notre péché. Et quand nous faisons cela, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Quelle autre religion du monde peut vous faire une telle offre? Comment pourriez-vous savoir toutes ces choses sans les Écritures? Il n'existe aucun moyen. La Bible devrait être votre bien le plus précieux, et vous devriez l'utiliser aussi souvent que possible. Vous devriez la lire, la remplir de notes, la souligner et la remplir de couleurs avec vos surligneurs. Les gens parlent de ma Bible, ils la trouvent toute barbouillée, mais je crois qu'une Bible bien utilisée devrait montrer des signes d'utilisation, comme des marques, des notes, des couleurs, bref. Dieu veut vous voir méditer sa parole. Il veut vous voir pleurer dessus. Il désire que vous vous confessiez parce qu'elle vous convainc et que vous vous repentiez. Vous rirez avec elle et vous vous réjouirez des choses que Dieu vous dira, car la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu vous parle. Quand un croyant néglige de lire et d'étudier sa Bible, sa communication avec Dieu s'en trouve entravée. Charles Stanley nous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour bâtir ou rebâtir notre relation avec le Seigneur. Dieu commence à se révéler au moment où nous sondons les Écritures avec le désir de mieux le connaître. Écoutez ce merveilleux et édifiant psaume 119, versets 1 à 6. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Vous aimez les enseignements du Dr Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue En Contact, qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.